par ce sentiment. C'est venu comme un rien, l'amour, ça trompe énormément. Je te tiens, tu me tiens, ne me lâche plus. C'est venu comme un rien, je t'ai élu. Tiens, ne me lâche plus, serre-moi fort, prends ma main, je t'ai élu.